Ben là, au lieu de vraiment comprendre ce qu'est la télépathie et de la développer, il nous parle de nous mettre des puces dans la tête. Elon Musk là, qui avait cette idée-là. Je Ah, il y sais en a pas. d'autres aussi dans le transhumanisme là, qui veulent pousser la population, puis la fusion là, entre le numérique et le biologique, là. Au fond, c'est infernal, ça. Je veux dire, c'est l'enfer. Ça me fait penser les tableaux de Jérôme Bosch, là, qui a du monde fusionné avec des objets. Ça, c'est des visions infernales. Je trouve que ça ressemble vraiment à ça, là. De plus en plus. C'est une dénaturation de tout ce qui est les lois de la vie. Oui. Puis, si Puis on on s'en. dit que c'est un humain amélioré que ça va donner. On dénature l'humain, puis on dit qu'on l'améliore. Comme si l'être humain, il n'était pas déjà une base parfaite. Exactement. Fait que au nom de l'idéal transhumaniste, puis on pense que ça mène à un progrès social, que l'être humain soit branché avec un 36 000 applications, puis une puce, puis la montre intelligente, puis ci, puis ça. Ouais. Je pense que ça donne à rien de tenir un discours moralisateur, en tout cas aux enfants, pour leur dire, ah, aujourd'hui, ça a plus de bon sens, la technologie est dangereuse, puis ce qu'ils disent à l'école, c'est toutes des conneries. Sinon, ça va faire l'effet contraire. Donc, les enfants, il faut qu'ils vivent ça. C'est eux-mêmes, à un moment donné, ils vont se rebeller. Un enfant, à un moment donné, ça serait belle. Les gens, pour se rendre compte de certaines choses, ça donne à rien d'essayer de les conditionner. Ils vont s'en rendre compte par de la souffrance expérimentale. C'est pour ça que les lois de la vie vont tout le temps être plus fortes, dans le sens que les gens, à force de vivre des choses qui n'ont pas de sens, ils vont bifurquer à un moment donné vers autre chose. Ça donne à rien. On ne peut pas combattre le conditionnement par du conditionnement.